Poésie de Charles d'Orléans. Faites en soi à votre devis, mon seigneur, car c'est bien raison. Et à temps fine ma raison. La complainte de France. France, jadis, on te souloua nommé, en tout pays, le trésor de noblesse, car unque, chasse qu'un pouvoir en toi trouver. Bonté, honneur, loyauté, gentillesse, clergy, sens, courtoisie, prouesse. Tous étrangers à moi te suirent, et maintenant vois dont j'ai déplaisance, qu'il te convient main grief mal soutenir, très chrétien, franc royaume de France. Sais-tu d'où vient ton mal à vrai parler? Connois-tu point pourquoi et en tristesse? Comte le veuille, pour vers toi m'acquitter, escoute-moi, et tu feras sagesse. Ton grand orgueil, gloutonnie, paresse, convoitise, sans justice tenir, et luxure, dont tu as eu abondance, ont pourchassé vers Dieu de te punir, très chrétien, franc royaume de France. Ne te veuille pourtant désespérer, car Dieu est plein de merci, à largesse. Va-t'en vers lui, sa grâce demander, car il t'a fait déjà, pieca, promesse. Mais que fasse ton advocat humblesse, que très joyeux sera de toi guérir. Entièrement, mets en lui ta fiance, pour toi et tous, voulu en croix mourir, très chrétien franc, royaume de France. Souviens-toi comment voult ordonné que criasse mon joie par liesse, et qu'en escu d'azur dusse porter trois fleurs de lys d'or, et pour hardiesse fermée en toi t'envoya sa Altesse l'oriflamme qui t'a fait seigneurir tes ennemis. Ne mets en oubliance tel don hautain dont lui pleut t'enrichir, très chrétien, franc royaume de France. En outre plus, te voulut envoyer, par un coulon qui est plein de simplesse, la onction dont doit tes rois sacrés, enfin qu'en eux, dignité plus en cresse, et plus qu'à nul t'a voulu sa richesse, de reliques et corps saints, départir tout le monde en a la connaissance. Sois certain qu'ils ne te veulent faillir, très chrétien, franc royaume de France. Cour de Rome s'y te fait appeler, son bras dextre, car souvent de détresse, la mise hors, et pour ce approuver, les papes te font séoir, seuls, sans presse, à leur dextre. Ce droit jamais ne cesse, et pour ce doit fort pleurer et gémir, quand tu déplais à Dieu qui tant t'avance, en tous états, lequel d'eux se chérir, très chrétien, franc royaume de France. Quel champion souloie en toi trouver chrétienté? Jeanne vaut que l'express Charlemagne, Roland et Olivier. En sont témoins, pour ceux, je m'en délaisse. Et saint Loi roi, qui fiste la rudesse des Sarrasins souvent anéantir, en son vivant, par travail et vaillance, les chroniques le montrent sans mentir. Très chrétien, franc royaume de France, pour ce France, veuille-toi adviser, et toste repens de bien vivre l'adresse, tous tes méfaits, mes peines d'amender. Faisant chanter et dire maintes messes pour les âmes de ceux qui ont l'aspresse de durs remords souffert pour te servir. Leur loyauté est en souvenance. Rien épargné n'ont pour toi garanti, très chrétien, franc royaume de France. Dieu a les bras ouverts pour t'accoler. Preste d'oublier ta vie pécheresse, requiert pardon. Bien te vendra, et Dieu, Notre-Dame, la très puissante princesse, qui est ton cri, et que tient pour maîtresse les saints, aussi te vendront secourir, desquels les corps font en toi de mourance, ne veuille plus en ton péché dormir, très chrétien, franc royaume de France. Et je, Charles, duc d'Orléans, rimé, voulu ces vers, où tant de ma jeunesse, devant chacun les veuille bien avouer, car prisonnier les filles, je le confesse, priant à Dieu, qu'avant qu'est vieillesse, le temps de paix, partout puisse avenir, comme de cœur j'en ai la désirance, et que veuillent tous les maux brefs finir. Très chrétien, franc royaume de France.